il troque à vil prix les versets d'Allah, le Coran, et obstrue son chemin. Ce qu'ils font est très mauvais.